Unité 4, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour, il est 7h sur Sud Radio, c'est l'heure des informations. Et pour commencer, la météo. Nous avons 5 degrés ce matin sur Toulouse et il pleut.